Je suis mon régime à la lettre et pourtant, je n'arrive pas à maigrir. Bonjour, je suis le docteur Jean-Michel Cohen et dans mon livre, je vous aide à ouvrir les yeux sur les causes psychologiques du surpoids qui souvent bloquent la réussite d'un régime. Découvrez des conseils pratiques pour comprendre vos comportements et en finir avec l'effet yo-yo. Maigrir, pourquoi j'y arrive pas ? Aux éditions First. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Une cabane. Tout le monde m'entend ? Oui. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ? On était à la petite ceinture. Et qu'est-ce qu'on a fait à la petite ceinture ? Les cabanes. On a fait des cabanes. Et puis là, je vous ai lu un album qui parle de cabanes. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez dessiner votre cabane imaginaire. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dessiner votre cabane imaginaire. Là, mais une maison ? La cabane que tu aimerais construire, la cabane de tes rêves. Une histoire de trait, troisième épisode, dessiner comme un enfant. Ah bah vas-y, dis-moi, Sophia. On fait la cabane qu'on veut. La cabane qu'on veut, mais encore, tout à l'heure on avait dit... Dans les arbres, alors, dans la forêt. Mélissa, elle avait dit qu'elle aimerait bien dessiner une cabane dans les arbres. Moi, je ne l'avais pas dit. Toi, tu ne l'avais pas encore dit, c'est vrai. Moi, je ne la faisais pas dans les arbres, mais je l'accrochais aux arbres. Ah oui. Si on fait une histoire de la peinture ou du dessin, il y a forcément un moment où on va parler du dessin d'enfant. Et aussi un peu, en même temps, du dessin de ceux qu'on appelait les fous, ou encore du dessin primitif, avec tous les guillemets qu'on doit aujourd'hui mettre à cette expression. C'est comme si, à un moment, tout semblait s'épuiser, s'user, et que les artistes cherchaient l'inspiration ailleurs. Alors pourquoi pas juste à côté de soi, en regardant les dessins d'enfants ? Du coup, on a voulu faire pareil et on est allé dans une école maternelle de la rue de Ménilmontant, à Paris, dans les classes de Florence Robin et d'Isabelle Cambourakis, pour voir de plus près comment dessinent les enfants. Daphné aussi. T'avais dit quoi, Daphné, toi ? Je les accrochais aux arbres et je faisais un pont. J'accrochais le pont à les deux maisons qui étaient accrochées à l'arbre. Alors, en tout cas, chacun, vous allez dessiner vraiment la maison dont vous rêvez. Elle peut être en bois, en carton, en branche, comme vous voulez, dans la forêt ou pas dans la forêt. On en a déjà fabriqué pas mal quand on était dans la forêt. Ceinture. Sur la petite ceinture, ça peut être sur la petite ceinture. On peut faire une tente. Une tente, ce que vous voulez. On peut même dessiner la cabane de Richard. On peut même dessiner la cabane de Richard, t'as raison. Lui, c'est Emmanuel Pernoud. C'est le spécialiste de l'histoire du dessin d'enfant et de comment l'art a utilisé ce dessin d'enfant. Et il pratique l'humour anglais avec virtuosité. Professeur émérite d'histoire de l'art contemporain à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Peut-être pour commencer, vous pouvez nous raconter quelle représentation de l'enfant peintre ou de l'enfant dessinateur on peut trouver et quelle évolution il y a eu dans ces représentations ? Il y a des représentations à la Renaissance, au XVIIe siècle, qui généralement visent à mettre en valeur l'art du peintre, la maîtrise et par contraste l'incompétence de l'enfant. Et puis tout va changer au XIXe siècle, surtout à la fin du XIXe siècle et évidemment au XXe siècle, où l'on va voir des représentations de l'enfant dessinateur comme le modèle du peintre. Je pense en particulier à un tableau de Courbet qui est au musée d'Orsay, l'atelier du peintre. C'est un exemple qui remonte à 1855, qui est très intéressant. Dans l'atelier du peintre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Courbet sous la figure du maître, il est même un peu comme Dieu le Père, donc c'est le dieu de la peinture. À ses côtés, il y a un nu, une femme du peuple. Enfin, il s'entoure en quelque sorte de personnages, de figures qui comptent. Et autour de lui, dans cette galaxie de personnages, il y a deux enfants. Il y a un petit paysan qui regarde tous ses yeux, qui incarne en quelque sorte le regard naïf, la naïveté que quête lui-même pour Courbet, ça on le sait. Et puis il y a un petit dessinateur qui est à quatre pattes, donc c'est pas un petit écolier, c'est vraiment un enfant qui dessine pour lui-même. Et on peut le voir, et on l'a vu, ce petit dessinateur, comme la naissance du génie. On peut en faire l'illustration de la phrase de Baudelaire, le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté, d'autant que Baudelaire est juste à côté dans le tableau. Mais on peut le voir aussi, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs totalement contradictoire, comme les prémices d'un long chemin qui va conduire au génie. C'est-à-dire, au fond, la création, elle est là, mais en germe, elle a encore tout à apprendre. Interprétation qui correspond finalement beaucoup plus aux figures plus anciennes de l'enfant dessinateur. Je fais des papillons dans et je fais une cheminée avec la fumée qui sort. Je fais une étoile ici. Et elle est où cette cabane ? Dans l'espace. Dans l'espace ? C'est quoi ça ? Ce gros rond ? La lune. C'est la lune. Oh, elle est sur la lune. Super. Et c'est des papillons qui vivent dedans. Magnifique. Tu les colorais si tu veux. Tu veux pas lui mettre un casque pour qu'il respire? Et est-ce qu'on peut voir aussi Emmanuel Pernoud, si on prend ses lunettes du passé, du coup, dans cet enfant à quatre pattes aussi, quelque chose qui dit, bon, bah, l'enfant est un petit sauvage, quoi, il n'est pas encore... Tout à fait. L'enfant est un petit sauvage, alors est-ce que c'est un sauvage dangereux ou est-ce que c'est un merveilleux sauvage? On peut dire qu'il y a plusieurs façons de voir cette sauvagerie. La sauvagerie qu'il faut dompter, qu'il faut éduquer. L'enfant est un être qui doit s'instruire, et dans le cas du dessin d'enfant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ces pédagogies, plus exactement ces éducations très redresseuses, qui apprennent à l'enfant, sous la Troisième République, qui lui apprennent à dessiner selon une méthode extrêmement disciplinaire. On apprend à l'enfant à faire des figures géométriques, à main levée absolument parfaite, c'est-à-dire qu'on l'oblige à refouler tout ce qui fait pour lui le plaisir du dessin. Puis alors, vous avez, à l'inverse, des gens qui vont juger que cette sauvagerie est précieuse. La valeur de l'enfant pour l'artiste, c'est qu'il aurait conservé une sauvagerie que l'école, et en particulier l'école des beaux-arts, aurait détruit, en quelque sorte, chez l'artiste, et que l'artiste doit s'employer à retrouver. Je pense que Picasso voit chez l'enfant un enfant sauvage qui est un modèle et qui lui sert à retrouver sa propre sauvagerie perdue. Alors, non. Qu'est-ce que tu as dessiné, Adam ? Des cases. Une maison de plus. Une maison de plus. Ça, c'est pour tenir la maison parce qu'elle est trop lourde, en fait. Ah. On peut décorer la maison, maîtresse. Bien sûr. Et là, c'est les fenêtres, j'ai pas encore fini. Et que même les policiers... Il y a des policiers dans ta cabane ? Oui. C'est angoissant un petit peu, ça, non ? Et là, c'est les cages et les voleurs. C'est une cabane prison ? Oui. Mais en même temps, les policiers, ils ont pas de bras, là. Ils vont avoir du mal à arrêter les voleurs. En fait, c'est parce que ici, boum, les voleurs tombent. D'accord. Donc, tu as transformé ta cabane en cabane prison, toi. La théorie de l'art, à la Renaissance, ne parle pas de dessin d'enfant en tant que tel. Par contre, c'est vrai que le dessin d'enfant constitue un paradigme qui traverse de différentes manières ces traités, ces premiers traités de dessin, de peinture qui sont réalisés à la Renaissance. Elle, c'est Francesca Alberti. Elle est historienne de l'art, du genre de celle qui ouvre de nouveaux champs de recherche. Et c'est la directrice du département d'histoire de l'art de la Villa Médicis. C'est aussi une des deux commissaires de l'exposition Gribouillage qui s'est tenue là-bas en 2022 et dans laquelle il y a deux salles qui tournent autour du dessin d'enfants et qui cherchent à remonter le temps pour comprendre à partir de quand les artistes le regardent. Je dirais qu'on considère le dessin d'enfant comme le premier stade d'une sorte d'évolution. Et du coup, les fantoches des enfants, par exemple chez un auteur tel que Giorgio Vasari, qui a écrit les biographies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens de la Renaissance, selon Giorgio Vasari, par exemple, l'art byzantin ou l'art de Trecento était comme un dessin d'enfant, c'est-à-dire c'était un corps très rudimentaire et donc ça ressemblait à des fantoches. Ça manquait de vie, d'agilité, etc. Et petit à petit, on va de l'enfance vers l'âge adulte, l'âge de la Renaissance, qui est inauguré avec Giotto et puis se suit avec les grands maîtres du Quattrocento et du Cinquecento. Il y a une autre manière d'intégrer le dessin d'enfant dans la théorie de l'art, c'est lorsque on réfléchit à ce que l'on pourrait qualifier du mythe de l'artiste, c'est-à-dire l'artiste qui révèle sa prédisposition artistique par un désir, une nécessité de dessiner. C'est le cas par exemple du jeune berger qui dessine avec tout ustensile qu'il trouve, donc petits morceaux de bois, pierre, et qui donc est découvert souvent par un adulte et qui voit sa capacité artistique, par exemple le cas du Giotto, du jeune Giotto. Et donc c'est vraiment par ces premiers dessins des enfants que se développe ce mythe d'une enfance de l'art et ce mythe de l'artiste. Donc le dessin d'enfant serait les premières étapes d'un processus artistique. En ce sens, il y a un incunable formidable et qui est ce tableau de Juan Francesco Carotto de la fin des années 1510, début des années 1520, ce peintre véronais qui a représenté un jeune enfant. Elle, c'est Diane Bodard, elle est historienne de l'art, c'est une spécialiste de la Renaissance et c'est l'autre commissaire de l'exposition de la Villa. Et le jour du vernissage, elle avait une robe couverte de gribouillage. Un jeune enfant aux cheveux roux, poils de carotte, avec un large rire. Et il rit en fait en nous montrant son dessin. Et son dessin nous montre son bonhomme à côté de l'œil dessiné de façon plus maîtrisée, probablement par son maître, pour lui apprendre à dessiner. Donc on a déjà à ce moment-là un tableau qui réfléchit sur cette origine de l'art, qui est le dessin d'enfant et qui le met en résonance avec la recherche picturale à l'œuvre dans le travail du maître. Et est-ce qu'on a, Francesca Alberti, des sources justement de ces dessins d'enfants, de ces cahiers d'enfants anciennes, qu'est-ce qu'on a comme trace? Parfois, c'est difficile d'établir ce qui est de l'ordre d'un dessin d'enfant et ce qui n'est pas de l'ordre d'un dessin d'enfant. Et puis, par ailleurs, les dessins des enfants dans des époques révolues sont très différents entre eux. Cela dépend beaucoup des contextes. Des dessins d'enfants dans des mines ne sont pas, par exemple, des enfants d'un enfant savant comme le futur roi Louis XIII. Nous avons quand même quelques exemplaires à tester. Par exemple, dans les livres d'école. Et nous avons pu recenser tout un grand nombre de volumes qui présentent des têtes, des figurines gribouillées par la main de jeunes écoliers. On a aussi l'exemple à tester, par exemple, du roi Louis XIII, dont en fait, le médecin, Hérouard, va, à partir de ses 2 ans, annoter toutes sortes d'événements de sa journée, alors qu'est-ce qu'il mangeait, combien de fois il allait aux toilettes, comment il avait parlé à sa mère, etc. Et nous avons conservé les premiers dessins du roi Louis XIII. Et c'est très intéressant puisque non seulement nous avons les dessins, mais nous avons aussi les commentaires de Hérouard qui, dans les premiers dessins qui sont à peine, je dirais, embryonnaires, parfois des bonhommes têtards, des dessins très où la figuration est très rudimentaire, nous avons l'écriture d'Hérouard qui dit « Le dauphin dit, ceci est un oiseau ». Le jeune dauphin, très tôt, sera accompagné dans son apprentissage de dessin par des artistes, par exemple par Freminet, qui va donc accompagner sa main, guider sa main. Alors on a là encore des dessins très tôt, 5-6 ans, Et donc, petit à petit, cette figuration, je dirais, passe très rapidement d'un dessin plus actif, plus rudimentaire, à des figures mieux dessinées, des personnages, des chevaux, des animaux de la bergerie ou d'autres. On a aussi des dessins qu'il a fait lorsqu'il aurait dû écouter une leçon, une petite caricature avec une chevelure toute noircie, un peu drôle, et accompagnée d'un feuillet avec écrit et répété au moins 5-6 fois « Dieu me voit partout, Dieu voit tout, Dieu me voit partout, Dieu voit tout ». Cette idée qu'on ne peut pas dessiner à l'abri du regard de Dieu et que tout ce que l'on fait sera regardé. Et donc on a quelques exemplaires, mais pour la période prémoderne, c'est extrêmement difficile en fait, le nombre de feuilles, de documents dont nous disposons est bien rare. Bah si, ne t'inquiète pas, lance-toi et tout à l'heure on va peindre. C'est magnifique, Jean. Voilà, Jean. Ils viennent avec un dessin à nous montrer. Montre, viens, montre-les. On dirait que c'est lui-même, non? Tu sais, Jean, il a tes yeux. Hein? Tu ne trouves pas? Allez, où tu t'installes? Bien. Trouve ta place. Voilà. Vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses faire? Un cheval et un trou d'herbe. Super. Est-ce que tu veux trouver un modèle ou tu l'es? Vas-y. Et toi? Je sais pas. Super. Éventuellement, tu vas chercher tes éléments. Et est-ce que tu veux une feuille plus grande peut-être? D'accord. Alors, voilà, vous savez, les crayons, allez chercher ce qu'il te faut. Hein? Tu as trouvé? Ah bon. Fais attention à tes lacets. Celui qu'on entend parler toujours avec enthousiasme et sans jamais perdre patience, c'est Ricardo Cavallo. Il est peintre, il peint de grands paysages, de mer et de rochers dans le Finistère. Et il donne aussi des cours de dessin et de peinture pour les enfants à Saint-Jean-du-Doigt. Il a l'art de s'extasier avec sincérité et ce n'est pas donné à tout le monde. Si je reçois des enfants... En général, je les reçois avec des personnes que j'ai formées. Bon. Et donc, ces personnes formées, ils parlent une langue, qui est le dessin, éventuellement la peinture. Et pour moi, ça, c'est très important parce que ça rassure l'enfant de ne pas avoir un maître unique, genre le maître qui sait et l'élève qui ne sait pas. Donc là, la seule chose qu'on fait, c'est stimuler. Parce que les enfants ont leur propre matière, leur propre désir. Et leur langue et tout ce qu'ils sont en train de vivre, en définitive, a une extension dans la manière dont ils utilisent les crayons, c'est-à-dire qu'entre l'imaginaire, ce qui se passe dans l'écran, c'est à un moment donné, c'est comme un miroir de quelque chose qui est en train de se passer avec les autres, avec soi-même. Donc, on n'a qu'à stimuler, à encourager, et justement à donner les éléments pour aller un peu plus loin ou pour amplifier. Il n'y a pas plus à faire que ça. En général, quand un enfant a fini, on lui dit « Génial, on passe à une autre chose. » Et l'heure et demie qu'on le reçoive, on essaye de qu'il soit constamment au travail. Là, c'est pour rater, donc on donne une fois. On prend une autre? Ouais, parce que là, j'ai raté. Non, comment tu as raté? Tu penses que tu as raté ça? Ouais, c'est ça pour rater. Moi, je le trouve très beau, ça. C'est ton iceberg, en fait. Oui, c'est un iceberg avec des trésors. Avec des trésors. Écoute, allez, on va faire un autre truc dessin. Avec un fantôme qui a un prêt avec une étoile. Très bien, on va faire ça. Chou. Oh. Comment vas-tu? Je croyais que tu n'allais pas venir aujourd'hui, Léo. Ça va? Tu es venu avec ton chien, carrément? Alors, Léon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hein? On s'installe? On s'installe? On fait une toile. On fait une toile? Une toile. Un quad? Une toile. Tu sais, tu l'as vu la semaine dernière. Attends. Une toile. Un toile? Attends. Toile. Qu'est-ce que... Toile. Un trou dans des roues. Un quad. Oui, ah oui, oui. Mais on avait prévu. On avait fait. Non, on n'avait pas fait. Et où est-ce qu'il est, les quads? Il faut qu'on l'imagine. Oui, on le dessine. On va les dessiner? Oui. Il n'y a pas mon chien. Et c'est le chien qui va conduire les quads? Non. C'est toi? Oui. D'accord. Et il sera derrière toi? Oui. D'accord. On va mettre une remote. Une remote. Une remorque? Oui. Comment s'appelait déjà, Billy? C'était... Billy, oui. D'accord. Ah, écoute, ça commence à... À partir de quand et comment on commence à s'intéresser au dessin d'enfants? Il y a certaines personnalités qui s'intéressent au dessin d'enfants un peu avant les autres. Il y a notamment ce merveilleux Suisse Rodolphe Töpfer, qui est un directeur d'école en Suisse dans la première moitié du 19e siècle. Il dit en somme, il faut cesser de juger le dessin d'enfant avec nos critères d'adulte parce que sinon on ne comprend rien. L'enfant représente ce qu'il sait des choses et non pas ce qu'il en voit. Et beaucoup plus tard... Tout d'un coup, il y a une accélération de l'histoire en 1900 où tout le monde s'intéresse au dessin d'enfants, de tous les côtés. Alors, les trois personnages clés, vous avez le pédagogue, vous avez le psychologue et vous avez l'artiste. Et chacun a son interprétation et chacun dit « Ah non, attendez, vous n'avez pas compris, le dessin d'enfants, c'est ça, c'est pas ça, vous vous trompez. » Vous avez un extraordinaire débat autour de 1900, mais alors, dans toute l'Europe et aux États-Unis y compris, c'est le dessin d'enfants. Par exemple, les psychologues disent il faut faire dessiner les enfants parce que là, ça leur permet de se développer. Et puis, au même moment, vous avez des artistes qui disent mais pas du tout. L'intérêt du dessin d'enfant, c'est sa valeur artistique. L'enfant est un créateur et vraiment un génie. Et on sait par les bibliothèques d'artistes qu'ils regardent. Ils ont souvent des livres sur des livres de psychologues sur le dessin d'enfant. Ça les intéresse beaucoup. Vous savez qu'à Paris, il y a de nombreux vernissages. Eh bien, celui auquel nous vous convions aujourd'hui a une tournure assez spéciale. En 1951, sur la RTF. En effet, nous sommes environnés actuellement de centaines, j'allais dire de milliers d'enfants, et nous sommes au musée des travaux publics, 1 place d'Iéna, où se déroule actuellement le vernissage du concours européen de dessin d'enfants organisé par le plan Marshall. En effet, 700 000 enfants de 8 pays d'Europe ont pris part à ce concours, dont le premier prix est à côté de nous. D'ailleurs, c'est un tout petit garçon minuscule qui est là. Est-ce qu'on peut le voir? Attendez, je m'adresse maintenant à Madame Écart, qui est de la section presse et radio de la mission du plan Marshall, et qui le tient dans ses bras. Il avait l'air de faire des gestes de dénégation, il n'a pas l'air de vouloir parler. Il est complètement épuisé, il est déjà très timide habituellement, et aujourd'hui il a joué à la star depuis qu'il est arrivé, il n'en peut plus. Non, je ne crois pas que vous tirerez un mot de lui. Alors, je crois avoir dessiné dans son ensemble, n'est-ce pas, ce concours de dessin. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Eh bien, je peux vous dire que ce concours a été organisé dans 8 pays d'Europe. Il y a environ 6 mois, chaque pays a déjà eu ses gagnants. Des prix tels que des bicyclettes, des radios, enfin des petits prix. Le prix actuel est beaucoup plus important puisque c'est le premier prix est un voyage de 3 semaines à Rome, Paris ou Londres. Et coût l'équivalent en argent, c'est-à-dire 262 000 francs. Vous imaginez la joie qu'a pu avoir le petit Alain Cardot, qui est un enfant d'une famille très, très modeste. Alors, ce qu'il faut essayer de faire maintenant, c'est de décrire le dessin qui est en face de nous et qui est tout rutilant. Essayez, Madame Écart. Absolument. Gay, puisqu'il est bleu, blanc, rouge, bleu roi, vert et jaune. Il représente une maison en construction. Je dois vous dire que la maison est le réel rêve du petit Alain qui ne pense qu'à campagne, fleurs, arbres, fourmis, escargots. Enfin, ce sont les choses qui intéressent dans la vie. Là, on est à Rome, dans l'espace de la Villa Médicis qui sert aux expositions. Des salles fraîches, aux volets clos, au milieu, un gigantesque escalier avec des marches basses, comme celles qu'on fabriquait pour que les chevaux puissent les emprunter. Et en haut des marches, on arrive devant deux tableaux dans lesquels nous dévisagent des enfants rieurs, un bonhomme patate encadré et un cahier d'écolier taché, raturé et rempli de dessins dans les marges. C'est Delacroix, probablement à l'âge de 14 ans, qui est en train d'étudier l'italien, étudier le latin. Alors il y a des écritures dans les deux langues. Il y en a plusieurs de ces carnets d'écoliers du jeune Delacroix. Et ce que l'on voit dans ce carnet qui est ouvert, dans la page de droite, dans cet espace qui a été laissé libre par l'écriture, l'écriture de, probablement d'une dictée ou dans laquelle il est en train d'écouter le maître. Il l'écoute pas très bien, j'ai l'impression. Voilà, c'est justement. c'est un peu... Voilà, il n'écoute pas, en tout cas. Ou peut-être qu'il écoute plus attentivement, parce que très souvent, lorsqu'on dessine, on écoute plus précisément. Le doodle, ce dessin automatique, c'est aussi une façon de se concentrer. Mais ce que l'on voit, c'est comment la plume s'amuse ici à faire toute une série de caricatures, probablement, en fait, de soldats, de personnages qu'il avait pu voir, peut-être même de son maître. Et puis aussi, dans la première page du carnet, il s'amuse avec son nom, parce qu'il est en train d'essayer déjà sa signature d'artiste, Delacroix. Alors, il signe Della Croce en italianisant sa signature. Alors, c'est Eugenio Della Croce. Donc, les pages se peuplent de cette idée de la croix répétée à longueur des pages. Il s'invente comme peintre italien. Ils inventent comme peintre italien et il est en train de réfléchir à son futur et c'est très, très touchant de voir comment il réfléchit à où il veut aller, à ce qu'il veut faire avec cette propension au dessin qui vraiment recouvre l'ensemble de ses pages. J'ai dessiné des lâches des dessins ennemis et je ne cessais pas de dessiner. Et je crois que j'ai arrêté un tout petit peu de dessiner dès que j'ai commencé à lire et écrire. Mais de 2 ans et demi à 5 ans et demi, je ne faisais que dessiner. Presque je ne jouais pas avec des enfants, d'autres. C'était vraiment ma passion. Et je dessinais surtout des chevaux. Parce que quand on partait de vacances en Argentine, il y avait des plaines remplies de chevaux, de poulains. Je pense que aussi mon nom, ça veut dire cheval en italien. Peut-être ça a dû, comment dire, agir, mais non. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu ça, après, ça part de l'intérieur. En fait, il y a une chose qui s'inscrit en nous et qu'on traduit avec notre trait. Avec quoi tu vas peindre, Georges ? Elle va être avec les grenouilles. D'accord. Et bon, tu vas les dessiner déjà, par exemple ? Allez, fais justement les grenouilles et les souris. Vas-y, regarde. On va les mettre là. C'est le bébé souris. Prends ton crayon et vas-y. Regarde. Regarde la tête du souris. Tu vois ? C'est comme ça. Et après. Tu veux faire ça cette feuille-là ? Non, mais justement, je te montre ici et toi tu les feras. À ton tour, regarde. Tu vois, c'est très simple. Regarde les oreilles. Hein ? Regarde les petits yeux. Tu les vois bien. Hein ? Hein ? Et tu vois, et ça, ce sont des petits mains. Et tu vois la queue ? Alors, est-ce que... Ah, ça, c'est le bébé ! Oui, c'est ça. Ah oui, on va dire que le bébé était dans le ventre de la souris. Donc, la souris est là, et le bébé est dedans. Dans le ventre de l'autre. D'accord. Est-ce que tu es capable de faire ça ? Non, pas vraiment. Vas-y. Commence et je t'aiderai. Mais moi, je dessine les montagnes. D'accord. En fait, ça, c'est un iceberg. Ça, c'est un grand iceberg. Vas-y, continue. C'est des souris et des grenouilles qui habitent dans l'Afrique. Donc, je fais les montagnes. Fais. Maintenant, je me souviens du beau dessin que tu as fait l'autre fois, l'arbre avec la cabane. Tu te souviens? Donc, oui, continue oui, comme ça. Je me souviens, je l'ai mis... Tous mes peintures et mes dessins, je les mets sur mes murs. Georges Riluquet est assez formidable parce qu'il rentre vraiment dans la logique du dessin d'enfant. Le dessin d'enfant, c'est un illogisme, c'est une logique dans un illogisme apparent. Quand un enfant dessine une voiture, je le dis de manière très sommaire, il va nous dessiner un véhicule ou une maison par transparence. Alors les gens disent, mais en regardant ça, enfin, les gens à l'époque disaient, mais enfin, c'est absurde, on ne peut pas voir à travers les murs d'une maison. Et l'enfant, si on lui avait laissé la parole, je parle à l'époque, aurait dit, mais moi je sais ce qu'il y a dans une maison. Il y a des adultes, il y a ma famille, il y a une table, c'est pour ça que je la dessine. En fait, l'étude de Luquet, c'est une étude biographique, c'est-à-dire qu'il a suivi le dessin de sa fille, qui s'appelait Simone, pendant des années. Et il a pu faire parler la petite Simone sur ce qu'elle dessinait. des souvenirs par dans la feuille de souvenirs avec ses casiers. Mmh. Et ensuite, il y a des... On peut monter par cette cheminée-là à souvenirs pour retrouver notre souvenir. Ce qui est pas mal. Et ça, c'est une autre cheminée? Ouais, il y a cheminée, on fait partir. Il y a fumée, jusqu'à la feuille de fumée. Et ici, il y a fenêtre. Il y a porte. C'est une cabane qui marche. Il y a fleurs. D'où part, il y a terre, jusqu'en haut. Et puis, la baie. Allumée pour dormir. Super. Ça, c'est les pattes de la cabane? Oui. Elle marche? Oui. Ah, génial. Elle est où, là? Ben, elle est dans un jardin. D'accord. Ben, tu vas mettre du vert, alors. Oui. Tu vas mettre des couleurs, maintenant. Oui. Vas-y, Nadia. L'une des choses qui m'a le plus frappée dans le livre de Luquet, l'enfant dessinateur prend en compte, dans la création, la réception de son dessin, le public. Il aurait une capacité de varier les styles en fonction du regardeur. Ces analyses sont faites en 1913. C'est évidemment important pour l'histoire de l'art parce que c'est un matériau d'interprétation qui est donné aux artistes. Georges-Henri Luquet leur fournit aussi des concepts. Le plus célèbre, c'est automatisme. Et ce qui est important pour nous, c'est la concomitance avec ce qui se passe dans la scène artistique. À ce moment-là, ça s'appelle le fauvisme, le cubisme, etc. C'est une caution de l'enfant apportée aux artistes. À leur propre démarche, l'enfant vient leur prouver qu'ils sont dans le vrai, puisque l'enfant, c'est la sainte origine de l'art. Il y a cet exemple, ce rapport qu'on peut faire entre ce que l'on appelait à l'époque le nez en quart de brie des demoiselles d'Avignon, c'est-à-dire un nez de profil sur un visage de face, et le bonhomme de l'enfant. On peut faire un rapprochement entre ce que dit Picasso sur les raisons qui lui font mettre un nez de profil sur un visage de face, et ce que disent les psychologues de ce stade du bonhomme où, en effet, l'enfant dessine un nez de profil sur un visage de face. Que dit Picasso? Ben, pour que l'on voit que c'était un nez, il fallait bien que je le mette de profil. Sinon, on n'aurait pas vu que c'était un nez. Tout petit, il dessine. Tout petit, il peint. C'est Mozart. Marc Ferraud parle de Picasso sur France Inter en 1995. C'est-à-dire qu'à 5 ans, il peint, et il peint ce que peint son père. Alors son père était c'est un... C'est des choses quoi, c'est très un classique. C'est plutôt académique, disons. Académique, oui, c'est ça. Alors son père peignait cette sorte de tableau qu'on met dans la salle à manger. Des pigeons, des perdreaux, des natures mortes, mais toujours alimentaires, si j'ose dire, festives. Et alors le fiston, le fils, le petit, Pablo, oui. Il y a 5 ans, il y a 5 ans déjà, peint des pigeons. Un spécialiste des pigeons à 5 ans. Et de tous les animaux qu'il voit sur les tableaux de son père. Bien sûr. Et très vite, il les fait aussi bien que son père. Et très vite, il les fait mieux que son père. Ah. Et très vite, il les fait plus vite que son père. Un beau jour, quand il verra que ce fils a tous les dons que lui n'a pas, il va solennellement donner à son fils ses pinceaux, sa peinture, et puis il va aller survivre. Comme un mort-vivant, si j'ose dire, qui regarde son fils réaliser tous ses rêves à lui, mais d'être un grand peintre. C'est du théâtre antique, c'est tragique. C'est tragique, ouais, ça. Ouais. Il lui dit maintenant, c'est toi, il a 40 ans. Et le petit? Bon, le petit a 10-12 ans, à cette époque, même pas. Il a aimé son père, c'est pas la question. Hein. Mais il est tellement cruel et lucide dans son œil que quand son père en fait son successeur, en quelque sorte, il le peint sur son lit avec un bonnet de nuit, comme si c'était un vieillard mort. Et fait ça, il a pas 15 ans. Mais il est inconscient du drame qu'il commet en ayant un tel talent. Dans la recherche d'une origine de l'art, d'une spontanéité à travers le dessin d'enfant, il y a ce côté achronique, intemporel, qui surgit de façon très forte dans ces jeux de dessin régressifs, infantiles, qui résonne avec des périodes historiques lointaines. Donc vraiment un geste qui permet de rejoindre différentes chronologies, de condenser différentes chronologies autour d'un même graphisme. À propos des dessins pariétaux ou des peintures pariétales, c'est très intéressant de voir comment, dans les années où l'abbé Breuil commence ses campagnes archéologiques et puis ses campagnes aussi de ses repérages, ses reliefs dans les grottes, par exemple celle des trois frères, au départ, ce qui était figuratif, on y arrivait bien. Puis il y a évidemment tous ces palimpsestes de lignes qui parfois se sont déposées au fil de longues échelles temporelles qui, à première vue, étaient des amas de gribouillis et qui, en fait, parfois, on demande à être détricotés parce qu'on a plusieurs stades de dessin qui se sont superposés les uns aux autres. Et ils considéraient que c'était donc des gribouillis, donc que c'était les plus anciens. C'était le stade d'origine du geste graphique de l'humanité. Donc ça ne pouvait être qu'un gribouillis, comme chez les enfants de 2 ans ou on commence par cette expression tout à fait gestuelle. Donc effectivement, on lisait les origines de l'humanité à l'aune aussi des études sur l'origine du dessin d'enfant. Je recueillis des graffitis dans lesquels je reconnus une beauté ou même un rapport avec l'art à l'origine, vous savez. Brassailles, sur France Inter, en 1972. Et vous pensez que les graffitis sont surtout l'œuvre des enfants? Mais comme dans les couches préhistoriques, il y a des couches, n'est-ce pas? Alors vous voyez la hauteur. Si c'est à 1 mètre, c'est un enfant qui est arrivé à 1 mètre. Et si c'est beaucoup plus haut, c'est des adultes. Vous voyez là, n'est-ce pas, la différence. On ne se met pas quand même sur une échelle pour faire des graffitis. L'origine de l'art, c'est la grande obsession de cette époque, de l'époque de Gauguin, ça a un nom, le primitivisme. Chercher l'origine de l'art. Et chacun a sa petite idée sur l'origine de l'art. Alors Gauguin, il veut la trouver chez les Maoris, d'autres en Afrique, etc. On cherche l'origine de l'art. Alors il y a cette idée qui remonte d'ailleurs beaucoup plus loin chez les romantiques, l'idée que, au fond, l'avenir de l'art n'est pas dans une sorte de perfectionnement de ce que les Grecs et les Romains ont fait, à l'inverse, serait dans les débuts. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Gauguin, on est là en Occident, hein, l'art occidental s'est complètement anémié, et il faut retrouver une idée un peu vitaliste, quoi. Il faut retrouver la sève originelle, il faut remonter aux sources. On est dans un contexte d'académisme, c'est-à-dire un art, au fond, ou en tout cas pour les artistes, dans la sensation que l'art a tout dit, il se répète, ce sont des formules toutes faites, etc. Donc il y a une idée très vitaliste qu'il faudrait, au fond, se régénérer. Donc il y a cet extraordinaire attrait pour les sociétés tribales. On va parler de primitivisme, hein. Primitif, donc il y a premier. Et puis certains d'autres idées sur la question, par exemple l'art populaire, l'art naïf, le douanier Rousseau. Il y a un fameux document là-dessus qui est l'almanach du Blaureiter avec Kandinsky, etc. Il rassemble toutes les origines possibles. Et justement, dans l'almanach du Blaureiter qui part en 1912, vous avez des dessins d'enfants. Et Paul Klee dit, écoutez, pourquoi aller dans les musées d'ethnographie et pourquoi aller au bout du monde lecteur, artiste, il suffit d'ouvrir la porte, d'aller dans la chambre de l'enfant, elle est là l'origine de l'art. Elle est sous tes yeux, tu t'en es pas rendu compte, il faut regarder. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le moment où ils ont des enfants. Paul Klee, le petit Félix, et puis d'autres. Et donc, ils voient des enfants, et tout d'un coup, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est là. Et ils sont fascinés par le dessin de leurs enfants. Il y a ce point remarquable chez Klee aussi de son catalogue raisonné, hein, où il va intégrer ses dessins Baptiste Brun, d'enfance, de sa propre enfance, et il va exclure ceux de ses études. Quoi. Ça, c'est un geste quand même absolument remarquable et qui va complètement dans le sens de ce développement de son individualité artistique, quoi, où il faut retourner à cette source presque pour faire valoir ce qui suit. Mais c'est vrai que chez Klee, le dessin d'enfant, c'est pour lui le début même, c'est l'origine même de son évolution. À partir du moment où il revient à ses dessins d'enfant, c'est grâce au retour à ses dessins d'enfant qu'il peut évoluer et reprendre en fait, regrandir à partir de son dessin d'enfant. Alors le dessin qui est encadré, c'est un dessin un peu particulier parce que c'est un dessin qui a été recueilli, collectionné et puis exposé par Kandinsky. Donc C'est un dessin, je dirais, qui nous raconte l'histoire de l'intérêt que les avant-gardes, et en particulier les avant-gardes russes, ont pu avoir pour le dessin d'enfants, pour ces bonhommes. Par exemple, pour cette idée du bonhomme, alors là, on a un bonhomme avec un gros ventre, on arrive à voir en haut une petite tête accrochée directement son cou, des oreilles. Le fameux L qui dessine le nez, un seul bras avec une main au râteau, et puis de très longues jambes bateau avec ses pieds prominents qui semblent des espèces de patates très jolies qui viennent voilà, affubler le reste de la figure. Donc c'est le dessin d'un enfant, d'un jeune artiste anonyme. Et c'est par le fait d'avoir été collectionné qu'il est arrivé, je dirais, jusqu'à nous. Alors, on sait que Kandinsky, avec sa femme à l'époque, Gabrielle Münter, a collectionné les dessins d'enfants. À partir de quand est-ce qu'il a commencé à les collectionner et pourquoi ? Alors, il les a collectionnés quand il était en Munich, autour des années 10. Ces dessins-là, il les a collectionné à cette époque-là, mais il les a collectionnés toute sa vie. Elle, c'est Anne Montfort. Elle est historienne de l'art et c'est une des conservatrices du cabinet des arts graphiques du Centre Georges Pompidou. Elle nous a sorti certains des dessins d'enfants collectionnés par Vassili Kandinsky, dont elle parle avec beaucoup de chaleur. Kandinsky ne considère pas du tout le dessin d'enfant comme quelque chose qui montre un mode d'apprentissage. Il ne le lit pas comme un signe, en fait, où on apprendrait à appréhender le monde. Au contraire, pour lui, ce qui l'intéresse dans le dessin d'enfant, c'est la forme même. Cette façon dont la forme peut s'émanciper de connaissances pratiques. La première exposition de dessin d'enfant que j'ai vue, c'était en 1912. Elle était organisée par la Société de l'art à l'école. Et bien à ce moment-là, les enfants, spontanément et librement, faisaient de l'art du style appelé « moderne style » à cette époque. Le professeur d'esthétique Étienne Souriot sur Radio Sorbonne en 1957. J'ai vu l'exposition des dessins d'enfants vers 1927 où il faisait naïvement et spontanément du constructivisme. Enfin, il y a peu d'années, en 1952, une exposition d'art enfantin sous le titre « L'art spontané ». Eh bien, les enfants faisaient spontanément de l'abstrait. Eh bien, ils faisaient du Klee ou du Miro. Eh bien, je ne dis pas que ce soit parce que ce soit truqué loin du monde. On essaye de laisser l'enfant aller librement. Mais dans sa liberté, il est cependant guidé par des espèces de stéréotypes ambiants, par une sorte de culture qu'il connaît à peine, mais qu'il connaît par des images qu'il a vues, par des affiches, par des ouvrages vus en devanture de librairie ou ceux qu'on lui a donnés illustrés, et ainsi de suite. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces trois dessins tels qu'on les met côte à côte, c'est qu'on voit bien qu'il y a un rythme de forme géométrique, une volonté d'avoir des couleurs contrastées. On voit bien l'importance. Alors, ça donne un petit côté décoratif, mais c'est pas tant de côté décoratif que le côté rythmique qui est important. Quand je disais, on voit chez Kandinsky la manière dont il regarde aussi des choses qui correspondent à ce qui est dans ses recherches personnelles à ce moment-là. Ces quadrillages qui sont omniprésents dans ces trois dessins, ce jeu sur des formes qui sont des formes en fait assez statiques, puisqu'on voit que la petite fille qu'on a dans le premier dessin, qui a ses deux petits bouquets de fleurs de chaque côté, ses joues bien roses, ses petites dents bien dessinées, est finalement une forme de modèle de petite fille, puisque dans les d'autres dessins, on a trois petites filles qui se répètent, elles ont exactement la même position, à peu de choses près, ça pourrait être une image type, en fait, une espèce de typologie de ce que pourrait être une petite fille. Donc, il y a cette idée aussi du motif qui est omniprésent dans ces trois dessins. C'est une époque où on est en quelle année, à peu près ? Là, on est dans les années 20. Donc, on est au Bauhaus ? Ouais. Et c'est une époque où, en fait, Kandinsky travaille... Il travaille dans les cours fondamentaux. Donc les cours fondamentaux, c'est des cours d'apprentissage de la forme. Et je pense qu'à ce moment-là, les Kandinsky cherchent aussi dans le dessin d'enfant ce qu'il fait, ce qui l'intéresse. Le dessin d'enfant, en même temps, je pense que c'est aussi le champ des projections d'un adulte sur cette idée de ce que pourrait être une forme fondamentale ou essentielle. Et c'est quelque chose qui est lié à la fois à un domaine artistique, qui est lié aussi à une pensée assez révolutionnaire, hein, cette idée de la table rase qui peu à peu contamine aussi différents domaines culturels. C'est lié aussi à la photographie, c'est lié à beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné où vous avez l'art est défini et arrive à une forme d'expression qui est de plus en plus raffinée, de plus en plus sophistiquée, parce qu'elle est établie sur un système qui est celui de la représentation du monde, qui n'est pas remis en question. À partir du moment où cette espèce de lien entre l'image et la représentation est contestée, ça dynamite en fait. Picasso, après la Seconde Guerre mondiale, quand il est entré dans une exposition de dessin d'enfant, il a dit à une amie qui l'accompagnait, « Moi, à leur âge, j'aurais jamais pu faire ça. » Pierre Dex, en 1986, sur France Inter. Parce qu'à 12 ans, je dessinais comme Raphaël. On a cru d'abord que c'était une vantardise. Maintenant qu'on a, bien des années plus tard, ses dessins de jeunesse, on se rend compte qu'il a vraiment dessiné comme Raphaël. Et tout à fait à la fin de sa vie, il disait « Maintenant, je suis capable de dessiner comme les enfants. » L'hypothèse, on peut la discuter, c'est que toute une génération a subi la méthode géométrique. Emmanuel Pernoud. La méthode disciplinaire, la contrainte sur le dessin, l'interdiction non seulement de dessiner des bonhommes, mais l'obligation de faire des droites. Les artistes, je pense que le dessin d'enfant, le gribouillage, leur a fait retrouver une sorte de libre expression de la ligne. En effet, en 1906, les tout premiers, les dessins nus, etc., les dessins fauves, mettant, c'est le libre développement de la ligne. Il y a quelque chose qu'on peut comparer au dessin d'enfant, même évidemment, ça n'a rien d'un gribouillage, mais il y a quand même l'idée de libre développement. Et il voit dans ce gribouillage une force qu'ils doivent retrouver pour leur propre compte. C'est quelque chose d'une violence originelle, en quelque sorte. Alors, je crois que Dubuffet pourrait nous dire maintenant ce qu'il entend faire par ces personnages grotesques, ces personnages enfantins, c'est-à-dire dessinés n'importe comment, qui ont des bras suspendus en l'air, dans des attitudes que certains trouvent souvent monotones et qui ne doivent pas l'être. Donc, ces personnages ont un sens. Eh bien, Dubuffet pourrait peut-être encore nous dire leur sens. D'abord, je dois en premier lieu dire que les dessins d'enfants ne me plaisent pas. Jean Dubuffet, en 1954. Contrairement à la mode, il y a eu une grande mode depuis quelques années des dessins que les enfants font dans les écoles. Je ne les aime pas, pour bien des raisons. D'abord parce que je n'aime pas beaucoup les enfants. Je trouve les enfants d'un esprit un peu faible. J'aime les hommes faits, même les hommes d'une grande expérience. Et enfin, je suis un homme moi-même, j'aime mes semblables. Et j'aime l'art fait par mes semblables et pas celui fait par les enfants. Donc, les dessins d'enfants, d'une façon générale, j'y donne peu d'attention, je les trouve très faibles. Mais je trouve que la position d'esprit dans laquelle un enfant dessine est bonne. Et ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, ce que peut-être j'ai recherché dans mon art, c'est de faire des peintures ou des dessins, des œuvres d'art qui soient faites par un homme adulte, et cependant qui conserve les qualités de liberté et d'invention que les enfants mettent en œuvre dans les leurs. Dubuffet, c'est quelqu'un qui est né en 1901. La question de l'enseignement académique traditionnel du dessin tel qu'il était produit depuis le 19e siècle, c'est ce qu'il a vécu, lui, en tant qu'homme né au tout début du 20e, et encore dans les années 40, c'est l'enseignement qui prime au sein de l'Académie, au sein de l'École des Beaux-Arts. Lui, c'est Baptiste Brun. C'est un historien de l'art qui est venu avec nous au Centre Georges Pompidou pour regarder les dessins d'enfants collectionnés par Kandinsky. Mais avant tout, c'est un spécialiste de l'art brut, et surtout de Jean Dubuffet, dont il parle avec tendresse et amusement, et un petit côté punk. Il est évident que Dubuffet, c'est quelqu'un qui dit souvent que son parti, c'est le parti de la table rase. Donc il faut s'affranchir des codes passés, parce que les codes passés, ils sont figés dans la tradition. Et Dubuffet, contre la tradition, lui, il veut préférer l'invention, l'art. L'art, c'est l'invention. Il y a un mythe de l'enfance qui est derrière tout ça. Il y a vraiment la volonté ici de saisir une forme de vérité des choses. Et le dessin d'enfant, c'est une voie pour arriver à cette vérité des choses. Son recours au dessin d'enfant, c'est un exercice justement pour chercher des nouvelles formes, un peu d'admiration, ou au contraire, l'utiliser pour provoquer, pour dire, bah voilà, moi je vais mal dessiner. Ce qui me semble important de souligner, c'est l'idée que de dire que c'est mal dessiné ou mal fait, c'est ça qu'il faut questionner. Pourquoi on dit que c'est mal fait ou mal dessiné ? Et c'est tout l'enjeu de la grande réforme de la peinture qui se joue au long du XXe siècle, quoi. C'est de redéfinir aussi les valeurs du bien fait, mal fait et de la norme du goût. Ce recours au dessin d'enfant, c'est aussi une manière, non pas tellement de tout détruire, mais plutôt de construire d'autres formes, d'autres choses et d'autres échelles de valeurs. Chacun, au fond, s'en sert pour prouver la pertinence de la validité de son esthétique personnelle. Georges Bataille, il a cette interprétation hérétique du dessin d'enfant qui dit, au fond, ce qui est important dans le dessin d'enfant, c'est effectivement le gribouillage. C'est le moment où l'enfant, là j'emploie son expression, barbouille salement une feuille dans l'intention de détruire la feuille même. C'est-à-dire que le gribouillage, c'est la destruction du blanc immaculé. Donc à la base du dessin d'enfant, il y a un appétit de destruction. Voilà. La destruction est à l'origine de l'art. Alors là, c'est sacrément hérétique. Et cette destructivité enfantine est inhérente à l'art et se retrouve dans un cycle qui va de la forme à l'informe. Si vous voulez, il casse le modèle progressiste et progressif, qui est celui de Luquet, hein, et de tous les pédagogues, c'est-à-dire que l'enfant se développe. Et de l'histoire de l'art. Et de l'histoire de l'art. Et lui prend un modèle cyclique qui va de la forme à l'informe, de la création à la destruction. Évidemment, son grand homme, c'est Picasso. Baptiste Brun, on est devant un tableau de Jean Dubuffet. Comment s'appelle ce tableau ? Ce tableau, il est intitulé « Pierre Matisse, portrait obscur ». Pierre Matisse, qui était son marchand, le fils du peintre. Une tête ronde sur un petit cou, articulé à un corps, lui, qui est une espèce d'ovale, presque une patate écrasée, de sorte de bras très étranges. Le visage est très grimaçant, hein, on voit les dents qui sont serrées, un petit cercle pour signifier le menton. Le nez est un triangle avec deux narines comme ça qui apparaissent, et l'aile du nez qui est une espèce de demi-cercle, et deux yeux qui sont deux grandes amandes avec les pupilles, des yeux exorbités. On voit des traces aussi, hein, ça c'est un point important dans la peinture, traces qui signifient l'implantation de la chevelure, et le tout se détache, hein, c'est un portrait assez sombre, dans des nuances de noir et de gris, très en matière, qui se détache sur un fond presque sablonneux, quoi, quelque chose qui a presque quelque chose de fangeux. Donc oui, il y a sabotage, hein, là, clairement, du portrait. Oui, puis on dirait, si on regardait un dessin d'enfant, on dirait, tu as fait des pâtés partout, il y a vraiment un côté pâté, quoi. Ah oui, alors c'est toute l'ambivalence de la chose, parce qu'il y a un savoir-faire en termes de matériaux, de manière de disposer ces matériaux, mais du point de vue du dessin, du point de vue de la manière dont c'est mis en œuvre ici, des lignes forces, etc., à l'évidence, il y a quelque chose que toute la critique a vu à l'époque où étaient montrés ces portraits, dans les années 47-48, il y a cette idée ici, du dessin d'enfant qui est derrière. On disait d'ailleurs qu'il y a un critique qui avait la plume acérée, qui avait dit que Dubuffet était le pompier de la peinture enfantine, comme pour dire que c'était un académicien du dessin d'enfant. Après ça, dans chaque époque, ce qui ne répondait pas au canon de l'art, on a considéré que tout ce qui ne répondait pas à ce canon avait l'air enfantin. C'est une erreur de vision. Jean Dubuffet, en 1954. C'est comme des gens qui seraient habitués à ne manger que du ravioli au fromage et qui s'intéresserait beaucoup à toutes les différentes variations qu'on peut faire subir au dosage de fromage et au dosage de ravioli, sans s'apercevoir qu'il existe des centaines de mille d'autres mets. Et quand on me demande en quoi les dessins d'enfants ressemblent aux dessins homologués d'une époque, j'ai l'impression que c'est à peu près la même question que si on demandait en quoi les autres mets diffèrent du ravioli au fromage. Ils diffèrent en ceci que le ravioli au fromage, il n'y en a qu'un, c'est un cas unique, c'est un cas d'espèce très particulier, tandis que toutes les autres choses sont immensément nombreuses, comportant immensément de possibilités. Donc il faut se garder de cette impression que tout ce qui n'est pas spécialement ce ravioli au fromage doit être mis dans le même panier, dans le panier des dessins d'enfants ou de sauvages ou de primitifs ou de fous. On a tendance à ça à l'heure qu'il est. Pour lui, l'enfant, c'est à la fois une voie à scruter, mais aussi, c'est, je dirais, le côté exemplaire de tout ce qui relève du conditionnement. Parce que l'éducation, l'enseignement, c'est pour Dubuffet quelque chose qui asphyxie les capacités créatrices. Là, donc, vous donnez des cours à des enfants, hein, ce cours de dessin. Est-ce que les dessins d'enfants vous apprennent quelque chose, vous apportent quelque chose, vous, en tant que peintre, hein, quand vous regardez ces dessins d'enfants ? Non. Non. Et pour dire, c'est fabuleux de travailler avec les enfants. C'est magnifique ce qu'ils sont sans cesse en train de faire surgir. Tout est vraiment intéressant. Pour moi, chaque fois que je suis avec les enfants, c'est une véritable fête. Et la véritable fête, c'est, oui, ce que je vois comme résultat. Ça ne m'aide pas à mon œuvre, ça aide à ma vie. Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Merci à Francesca Alberti, Diane Bodard, Baptiste Brun, Anne Montfort, Emmanuel Pernoux, Ricardo Cavallo et ses petits élèves, et merci évidemment à Florence Robin, Isabelle Cambourakis et leurs élèves. Merci aussi à l'école maternelle de la rue de Ménilmontant, au centre Georges Pompidou, à la Villa Médicis et à l'école de dessin de Saint-Jean-du-Doigt. Prise de son, Morgane Danan, Yvan Turc, Maïtran, Georges Thau, Sébastien Huel, Hélène Langlois et Patrick Muller. Mixage Éric Villenfin, documentaliste Ina Delphine André, écoute et choix des archives Pauline Migevant-Lépine. Sans rien dire, sans bouger. Attachée de production Marivonne Abolivier et Anaïs Morales. Mais il faut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Une histoire du trait, dessinée comme un enfant, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Assia Ralid. Attendre s'il le faut pendant des années. Ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. En ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches. Pour l'oiseau, peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chambre.